Le mois de mai a été magnifique cette année. Depuis longtemps, les récoltes ne s'étaient annoncées aussi belles. Ce jour-là, justement, j'avais fait une tournée avec mon fils Jacques. Nous étions partis vers 3 heures. Nos prairies, au bord de la Garonne, s'étendaient d'un vert encore tendre. L'herbe avait bien 3 pieds de haut. Et une oseraie, plantée l'année dernière, donnait déjà des pousses d'un mètre. De là, nous avions visité nos blés et nos vignes, des champs achetés un par un à mesure que la fortune venait. Les blés poussaient dru, les vignes en pleine fleur promettaient une vendange superbe. Et Jacques riait de son bon rire en me tapant sur l'épaule. « Eh bien, père, nous ne manquerons plus de pain ni de vin. Vous avez donc rencontré le bon Dieu pour qu'il fasse maintenant pleuvoir de l'argent sur vos terres. » Souvent, nous plaisantions entre nous de la misère passée. Jacques avait raison, et je devais avoir gagné là-haut l'amitié de quelques saints ou du bon Dieu lui-même, car toutes les chances dans le pays étaient pour nous. Quand il grêlait, la grêle s'arrêtait juste au bord de nos champs. Si les vignes des voisins tombaient malades, il y avait autour des nôtres comme un mur de protection. Et cela finissait par me paraître juste. Ne faisant de mal à personne, je pensais que ce bonheur m'était dû. En rentrant, nous avions traversé les terres que nous possédions de l'autre côté du village. Des plantations du mûrier y prenaient à merveille. Il y avait aussi des amandiers en plein rapport. Nous causions joyeusement, nous bâtissions des projets. Quand nous aurions l'argent nécessaire, nous achèterions un certain terrain qui devait relier nos pièces les unes aux autres et nous faire les propriétaires de tout un coin de la commune. Les récoltes de l'année, si elles tenaient leurs promesses, allaient nous permettre de réaliser ce rêve.